L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié le commentaire titré « Il ne faut pas tolérer la montée en puissance militaire du Japon ». Il indique notamment « Le ministère de la Défense japonais vient de proclamer officiellement de livrer dans l'espace aérien de son pays, à partir de la mi-octobre prochain, les premiers exercices conjoints des avions de combat des forces aériennes du corps d'autodéfense et de l'aviation britannique. C'est une partie des menées pour la montée en puissance militaire des réactionnaires japonais, décidés à réaliser à tout prix l'ambition militariste à l'aide des États-Unis, rêvant la suprématie mondiale, et cela provoque la grande vigilance des pays de la région. Rappelons que le Japon est le pays criminel de guerre qui a infligé d'innombrables malheurs et souffrances au siècle dernier aux peuples asiatiques, notamment les Coréens, avec la guerre d'agression. C'est aussi le seul pays effronté qui refuse aujourd'hui encore entièrement l'obligation étatique d'excuses et d'indemnisation aux pays victimes sans reconnaître ses crimes du passé. Si ce pays déclenche une nouvelle guerre, il n'est pas difficile de prévoir les catastrophes à causer à l'humanité. Ce qui est intolérable, c'est que la Grande-Bretagne se joigne à une telle démarche criminelle japonaise. Elle a été de grandes victimes du fascisme au siècle dernier et a subi la honte et l'affront dans la guerre de Corée en tant que chair à canon des États-Unis. Mais en oubliant la leçon de l'histoire, elle suit le bâton américain pour se mêler avec le Japon, ce qui est une traîtrise à la communauté internationale refusant le fascisme et la guerre. La renaissance fasciste japonaise et le fait de l'instiguer seront rejetés de plus belle par la communauté internationale, notamment les peuples asiatiques.